Chapitre 4. Le prieur attendait le frère Siméon dans le jardin. Siméon, dès qu'il l'aperçut, regretta de ne point éviter sa rencontre. Il n'aimait pas qu'on vînt le rappeler aux noises de l'idéologie, et n'aimait pas qu'on lui prédit la fin du monde, quand Michel attendait le retour de son amoureux. « Maintenant, dit le prieur, j'en suis sûr. » Et il comptait que Siméon tâcherait de lui taquiner sa doctrine, selon les stratagèmes de l'héristique. Au jeu de riposter, l'on fortifie son opinion, pourvu qu'on n'ait point succombé, dont il n'avait aucune crainte, ayant son armure de syllogisme bien attachée. Siméon, d'un hochement de tête, refusa vite la controverse. « Qu'en dites-vous ? » demanda le prieur. « Je n'en sais rien, je n'en sais rien. » D'une voix rude, le prieur l'admonesta. « Frère Siméon, prenez garde, vous aimez le doute. »« Je l'aime, répondit le bonhomme, assez bien. »« C'est dangereux. »« Non, j'ai enfermé entre des murs solides mon credo, qui est la petite somme de l'enseignement divin. » Mais hors de là, je me promène, avec la permission divine. Je baguenaude à ne pas conclure, et notre Seigneur a discrètement limité nos certitudes obligatoires. Il a laissé à notre fantaisie tout le reste, un grand paradis où fleurit l'incertitude. La fin du monde n'agréait pas à votre fantaisie. Aujourd'hui, non. Le frère Siméon souriait. Pourquoi ? Notre Seigneur n'exige pas que je souhaite la fin du monde. Le sourire de Siméon, qui parut narquois au prieur, n'était pas à l'adresse du prieur, mais à l'adresse de lui-même. Il trouvait drôle, un peu ridicule et plaisant, de refuser la fin du monde pour la raison qu'une petite fille serait déçue, qui attendait son amoureux. Toute la journée, il fut dans son jardin, fort amusé d'un badinage, où sa pensée allait et venait, de quelque mélancolie à quelque gaieté. En ce début de printemps, les grands arbres qui n'avaient pas de feuilles composaient un paysage qui réunissait l'innocence et la simplicité. Malgré les teintes blondes que donnaient à l'air par endroits les reflets du soleil, le froid de l'hiver demeurait dans les recoins d'ombre et en sortait, chassé par la brise. Les blanches fleurs du verger semblaient de la neige, et l'on eût dit que le premier printemps du monde, avant de se produire, avait un frisson de timidité. « Le premier printemps du monde ou le dernier ?» se demandait le frère Siméon. Il ajoutait « Chaque printemps est le premier, par le bienfait de l'oubli. » Dieu nous a donné, comme à la terre et aux arbres, un peu d'étourderie, afin que tous les ans le printemps nous semble nouveau. Il y avait aux branches et rameaux de petits bourgeons à peine visibles, tels pourtant qu'un jardinier ne manque pas d'y apercevoir ou deviner l'approche de la sève. Siméon dit à son jardin, « Tu ne crois pas à la fin du monde, et le prieur, s'il s'avisait de te parler, ne te persuaderait pas. Tu as raison, travaille mon jardin, travaille, et dans la certitude, compte sur le printemps. » Mais Siméon dit à lui-même, « Les jardins sont crédules, et non plus que de la fin du monde, ne se méfie de la grêle et des intempéries. Chaque moindre fleur est par eux faite pour le fruit, faite avec le même soin les fleurs qui s'épanouiront et les fleurs qui seront flétries sur l'arbre ou jetées sur le sol et gaspillées. » Siméon dès lors imita son jardin, qui travaillait peut-être en pure perte, et jusqu'au soir, pareillement, les jours suivants, émonda les branches, corrigea le dessin courbé de rameaux, les dirigea en formes élégantes de vases et mesura leur ampleur à leur taille. Il songeait que les arbres avaient l'intention de vivre et tirait de là un indice à l'encontre des prophéties funèbres. Ou bien faut-il penser que Dieu est résolu de nous surprendre? L'aron des âmes les veut-il ravir à l'improviste? C'est possible, mais ne dérangeons pas le projet divin, voire entrons dans la complicité divine et laissons-nous voler nos âmes, petites choses dans les grandes mains divines. Enfin, le frère Siméon, qui avait toujours aimé son jardin, l'aima plus encore, et l'aima de cette façon que réclame un bonheur menacé.